sur l'écran gris apparut le logo. Identification du site love.com. Elle s'est mise sous les coups, j'ai demandé Maria, comme celle pour annuler ou auquel pour envoyer. Et je t'ai vu, et je t'ai vu. C'est à ce moment-là, Maria, que j'ai vu que tu étais belle. Image de synthèse codée sur 16 millions de pixels. Sur ton front balayé des cheveux virtuels. Ton fil psychologique finement calculé. Tu tombais amoureux, ça pouvait pas rater. C'était prévu, c'était prévu. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il faudrait que ça me fasse? Mettre tes secteurs sur ta mémoire de masse. De n'être qu'une voix dans ton cœur multiplex. De n'être qu'un pigeon sur un serveur de sexe. Moi je t'ai cru, moi je t'ai cru. J'ai vu cette lueur au fond de tes yeux quand tu dis que tu m'aimes. Et l'amour en temps partagé, c'est de l'amour quand même. C'était ce moment-là, Maria, que je suis que tu étais mort.